que vous allez dire tellement la journée sera morose. 2 pour les Verseaux, les Vierges, célibataires, une rencontre est prévue. Si vous êtes en couple, faites plaisir à votre partenaire avec un petit dîner. 3 pour les Lions et les Béliers, beaucoup de regards seront posés sur vous. Une belle journée s'annonce. 4 sur 5 pour les Sagittaires et les Poissons, vous serez irrésistibles avec en plus la chance de votre côté toute la journée. Et puis 5 sur 5 de puissance amoureuse là aujourd'hui. Pour les Balances et les Taureaux, personne ne donnera ou ne recevra plus d'amour que vous. Profitez bien de cette journée parfaite. Allez, bon réveil, bonne journée à l'écoute de Skyrock avec Rihanna et Calvin Harris là tout de suite à 7h44. This is what you came for sur Skyrock. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Faut pas.

Skyrock Urban Music non-stop tout l'été avec Calvin Harris et Rihanna. C'était This Is What You Came For. Il y a Alicia Keys qui se prépare en classique, c'est Fallin. Le nouveau Jul aussi, Mon Bijou. Et on est premier sur les nouveautés sur Skyrock, vous le savez. Voici une nouvelle artiste signée sur le label de Booba 92i, c'est Shai, S-H-A-Y. Le son s'appelle PMW, ça veut dire Pussy, Money and Weed. Voici le son de Shai, nouveauté Skyrock. Hey, hey, c'est ce canal. Chacune de nos sorties se fait les mains gâtées. Les grands de ce lien me voient, ils veulent engranger. KO2P m'a dit interdit de te mélanger. Passe pas dans ma rue si c'est toi l'étranger. Mes ennemis veulent ma mort mais j'en ai rien à branler. Y'a que le JP qui peut niquer ma santé. Si c'est pour ma daronne je peux crever le monde entier. Torchon dans la tête et ces putains vont danser. Les petits ont des visions. Va gagner l'euro million et prendre les mêmes décisions.